L'expérience d'un frisson. Écrit par Alita Yoru et lu par J0305. Résumé. Parfois, on ne frissonne pas que de froid à Arendelle. Le château d'Arendelle résonnait des rires discrets de deux princesses. Elsa, de naturel réservé, n'avait jamais vraiment cherché à comprendre les subtilités de l'amour ou du désir. Aurore, en visite diplomatique, incarnait la douceur et la spontanéité. C'est autour d'une tasse de thé que la discussion avait commencé. « Tu ne t'es jamais sentie attirée par quelqu'un ?» demanda Aurore, les joues rosies par la chaleur du feu. « Pas vraiment, » avoua Elsa. « Ou peut-être que je ne m'en suis pas rendu compte. Et toi ?»« Oh si, mais l'attirance, ce n'est pas toujours clair. Parfois, c'est un frisson, un regard, un moment suspendu. Tu veux qu'on fasse une expérience ?» Elsa haussa un sourcil. « Une expérience ?»« Rien de scientifique, rassure-toi. Juste, on explore ce que l'autre sent quand on se rapproche. » Quand on se regarde autrement, pour voir ce qui fait battre le cœur. Curieuse malgré elle, Elsa accepta. D'accord, essayons. Elles s'assirent face à face. Aurore approcha doucement sa main de celle d'Elsa. Le contraste entre la chaleur de la sienne et la fraîcheur naturelle d'Elsa fit naître un frisson, que cette dernière tenta d'ignorer. Aurore, elle, souriait. « Ça compte comme un frisson, ça ?»« Peut-être, » murmura Elsa. « Et c'est autre chose ?» Aurore leva lentement la main et frôla la joue d'Elsa du bout des doigts. « Et ça ?» Le cœur d'Elsa accéléra, presque imperceptiblement. Ses yeux glacés croisèrent ceux rieurs et tendres d'Aurore. « C'est étrange. C'est comme si la pièce devenait plus chaude, alors que je ne fais rien pour ça. » « Intéressant. Et si je me rapprochais encore un peu ?» souffla Aurore. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Elsa pouvait sentir l'odeur légère de rose et de mousse que portait Aurore. Elle aurait pu reculer. Elle ne le fit pas. « Je crois que je comprends un peu mieux, » admit Elsa. « Ce n'est pas une question de feu ou de glace, mais de connexion. » « Et tu te sens connectée, là, maintenant ?» Elsa hésita, puis hocha lentement la tête. « Oui, un peu trop, peut-être. » Aurore rit doucement. « C'est bon signe, ça !» Un silence suivit, ni pesant, ni gênant. Un silence chargé de millions de possibilités. Elles restèrent ainsi, à se regarder, à se sourire, à se découvrir autrement. Aucune ne franchit la limite, pas ce soir-là, mais quelque chose avait changé. Quand Aurore repartit quelques jours plus tard, elle laissa derrière elle une fleur pressée dans le journal d'Elsa, accompagnée d'un mot. « L'attirance n'est pas un mystère à résoudre, c'est une aventure à vivre. Ah !» Elsa le relut souvent, en souriant. Et parfois, elle rêvait encore de ses frissons.